Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de l'Antichambre. Bienvenue sur les 105.9 de Radio Hellebore. Moi qui pensais faire une émission en solo et vous saouler une nouvelle fois, ce ne sera pas le cas ce soir puisque c'est le retour de DJ LBR. Salut oncle Ben, alors déjà, petite précision, sache que tu ne nous saoules jamais. Au niveau discours, c'est un peu long, c'est bien de passer plus de musique des fois. Ah mais on a tous ce défaut, on veut toujours parler peu et on s'attarde trop, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. D'accord. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir pour ton grand retour ? Pour mon grand retour, j'ai prévu une petite sélection de 7-8 titres sortis cette année. On va pas dire que c'est de la nouveauté, mais c'est des choses récentes, sorties avant l'été ou pendant l'été. Donc, dans des choses un peu plutôt funky, un peu afro, puisqu'on va revenir sur le... On va écouter deux titres de l'album Moyo Wango de Renegades of Jazz. Donc, voilà. Très bien. Et puis moi, ça sera un tout petit focus, parce que je veux te laisser quand même une grande place dans l'émission pour ton retour. Et donc, moi, ça sera un petit focus sur l'album donc Future Funk Survivor de The Real Fake MC qui est sorti là ces jours. Très bien, je vais m'installer. Installe-toi et puis donc restez sur la fréquence des 105.9 de Radio Hellebore pour, je répète encore, le grand retour de DJ LBR dans l'antichambre. Get down. Come on, y'all, get live, get down. We'll be right back.

Come on, check that out. Yo, it's the high step all out with the rhythm provided. Sound bomb and air ray, leave your dance floor divided. B-boys hit a sound so deep, the floor rock. Another's boogie down to this future shot. With the old watch special, not a Hollywood shuffle. Certified with each step, proven like what could build muscle. Can't knock the hustle, doubt skills possess. Keep it fresh from now back to the upper northwest. With the bass blowing speakers, shakers appear sweet. The dynamic syncopation from out of the receiver. And we just keep on. Rock into the breaker, did on. See, if you knew the time, then you know the peak. Then act on the vibe with the best kept secret. They speak with instruments, I provided a vocal arrangement for this premiere engagement. So if you wanna know, real deal, then get on up, bop, ha, and then get down. Bounce, rock, ticka to the ground, and if you wanna know, real deal, about the crew, well, you gotta get in the scene, like a dancing machine, y'all. All in together now, ha, let's make it happen. From the project blocks to estates out in the Hamptons, I see fellas dancing, ladies doing the same. The atmosphere's alive, nobody's trying to spit game. Like, girl, what's your name? Can I buy you a drink? Instead it's toe taps and hand claps to sing. All love, and love's got the power to change. The spoken word is the same, so I speak with an aim to uplift the gifts inside you. The breath of life profound, a mighty wind to guide you. And those who found it, like myself, got reason to live, reason to give. We felt as little kids, togetherness despite differences. We agree to disagree on all instances. So push your troubles aside and let it die with the day. See, tomorrow's anew to be swept away. So if you wanna know, real deal, then get on up, bop, ha, and then get down. Bounce, rock, ticka to the ground. And if you wanna know, real deal, about the crew, well, you gotta get in the scene, yeah, like a dancing machine, y'all. So if you wanna know, real deal, then get on up, bop, ha, and then get down. Bounce, rock, ticka to the ground. And if you wanna know, real deal, about the crew, well, you gotta get in the scene, like a dancing machine, y'all. Now break. I think it's about time I step off. Let the band get down. Come on. Ha. Yeah. Ha. Woo. The wet, y'all. S'il fallait noter ce retour de DJ LBRR, je lui mettrais la note de 18. C'est sympa, j'apprécie. Et ça me motive à viser le 19 pour la prochaine fois. Donc bah voilà, un petit mix de rentrée. J'ai voulu jouer les acquisitions que j'ai pu faire avant l'été. Et puis je me suis en regardant un peu le listing des artistes, je me rends compte qu'on a bien voyagé finalement pendant ce mix, parce que on a eu des artistes européens, américains, des artistes d'Océanie, et puis on est parti un peu, même s'il n'y avait pas d'artistes africains, il y avait quand même une touche africaine sur quelques titres. Donc on a commencé avec le producteur qui nous vient de Nouvelle-Zélande, Fedel. Je sais pas exactement comment il faut le prononcer, mais je pense que c'est bon. On n'en est pas loin. Fedel qui a sorti l'année dernière un mini-album en version numérique qui s'appelait Yesterday's New Sound, qu'on avait tout de suite bien apprécié dans l'antichambre. Une belle claque. Sur lequel on retrouve Rachan Amal, Lyrics Born, Lightheaded, Surreal, voilà. Donc un très très bon album, et on était impatients, on croisait les doigts pour qu'il nous le sorte en vinyle. Et en fait c'est chose faite juste avant l'été. Il l'a sorti 2,45, donc soit 4 titres extraits de cet album, qui est vraiment super. Et on a écouté le morceau Get Live, le seul morceau on va dire instrumental du EP, mais très funky. On doit ça d'ailleurs au label Dinked Records, cette oui. Version 45 tours. En plus, édition limitée, je pense, 300 exemplaires et numérotée. D'accord, oui, c'est ça. Mmh. Donc ça va devenir un collector. Ensuite, on est parti côté Allemagne, mais également côté Afrique, puisqu'on a écouté deux titres de Renegades of Jazz, donc DJ, producteur de Hambourg, qu'on a croisé du côté de Chambéry pendant Urban Jam au mois de mai, et qui a sorti fin août, début septembre, son troisième album qui s'appelle Moyo Wango. Et il part dans un univers un peu différent de ce à quoi il nous avait habitué, puisque là il a toujours sa base de breakbeat, hein, ça c'est son truc, mais là cette fois il nous emmène dans un univers africain, puisqu'en fait il a grandi en Tanzanie, donc il s'est inspiré de ses souvenirs, de sa jeunesse pour conceptualiser son album, qui est une belle réussite, hein, ouais, vraiment vraiment qu'on vous conseille. Et c'est sur le label Agogo Records, qui en général ne nous déçoit pas. Et on a écouté deux titres de cet album, Zem U Walk Slow et Zebra Talk, en featuring avec un autre producteur allemand qui s'appelle Cabane Jack. Ensuite, c'était encore une nouveauté 2016, c'était le brass band de Brooklyn, Breakdown Brass, avec le morceau The Horseman. Donc un morceau qui met la pêche, qui est bien chargé, qui est bien cuivré, mais vraiment que moi je trouve excellent, qui est sorti aussi en 45. Ensuite, c'était les Bacchao Rhythm and Steel Band. Donc le morceau en lui-même, l'Avenil Road March qu'on s'est écouté ce soir, n'est pas tout jeune, puisque je crois qu'il est sorti une première fois en 45 en 2007 ou 2008. Mais j'ai voulu parler d'eux parce qu'ils ont sorti leur premier album 55 sur le label de Brooklyn, encore Truth and Soul, là juste avant l'été, je crois que c'était au mois de mai. Donc un bon petit album qui regroupe les 5-6 45 qu'ils ont sorti depuis 2 ans, avec quelques inédits. Donc un bon petit album qu'on vous conseille. C'est du steel band mais avec une grosse touche funky. Et puis les deux derniers titres, The Bamboos, cette fois on était en Australie, avec le morceau Get In The Scene, qui invitait au micro un rappeur qu'on apprécie particulièrement, Omega Watts. Et pour boucler la boucle, on était en Italie avec The Bank, un petit groupe funk, afro-funk italien, avec un titre extrait de l'album. J'ai pas le nom de l'album sous les yeux, mais le morceau s'appelle Prinz Lauberg am Sonntag. Donc c'est de l'allemand, me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, voilà. Et ben c'est très bien tout ça. Et si, j'ai oublié parce qu'il n'était pas prévu, je l'ai glissé parce que c'est mon ami Oncle Bête qui m'a remis le disque ce soir. J'ai glissé dans ma sélection un petit Kind and Kinky Zoo, un morceau remixé, le morceau VLAM, remixé par Adam Gibson, a.k.a. Lake of Afro. Lake of Afro, voilà. Et bah c'est très bien tout ça. Tous ces morceaux, vous pourrez même les entendre sur la nouvelle web radio de l'Antichambre qui s'appelle The Groove Factory. Et que vous retrouvez sur le www.radio-elebor.com. Vous trouvez la rubrique de Groove Factory, vous cliquez dessus et vous pouvez écouter ça 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tout est dit. Là, tout est dit. On enchaîne avec mon petit focus sur The Real Fake MC, donc qui vient de sortir son deuxième album. Il avait sorti un album qui s'appelle Rock It Up en 2012. Là, donc, il nous revient avec Future Funk Survivors, produit par... je sais pas pourquoi, mais le titre colle bien au personnage, je trouve. Ah, c'est vraiment... comment dire, de la old school. Il a son phrasé typiquement à lui, et musicalement bah il s'est encore associé à Monsieur Patchwork, donc qui a une touche live qui rappelle bien les groupes des années 80 du hip hop avec beaucoup d'instruments, et puis une petite touche électro-funk donc qui était aussi présent à cette époque. C'est sorti chez Boogie Bot Records, le label de Monsieur Lord Funk, que je remercie au passage pour me l'avoir partagé, cet album. Donc on va s'écouter 4 titres, et le premier qu'on va écouter qui s'appelle Paris Paris. Donc restez sur la fréquence des 105.9 de Radio Hellebore dans cette nouvelle émission de l'Antichambre. Si toi respire encore, Paris, Paris, faut te réveiller. Paris, Paris, mais qui t'a débranché? Paris, Paris. In my hall, the bumble won't call. Play rap, better be coming soon. Fuck. fucking freezing in my living room. Hard time. Can't pay bills for no hot water. Frozen balloon in the bathroom, looking like a cold, cloudy moon. Kids screaming, mama can't pass the broom. It's freezing this winter, let's make a new tune. All come together, funk up this room. You all know soon, we'll be back soon. No problem for your heart, no problem for your soul. There's a hot party going on and all. It goes ooh, hee, hee, ooh, ha, ha, ha. The world don't know, we go la, la, la. It got no money, got my, ha, ha, ha. This winter, let's all come together. Heat up this body. Drop some in the weather. Socks on my jeans, thinking of all the hot things I need. Have another little puff on my weed. Stay up all night, living in my hot dreams. Don't want no dough, no limousine. Hot water coming out with steam. Turkey, potatoes, chicken breast. Oh my God, Sam's so nice. Sick of all these running mutts. I'm so heavy, this life's not right. Anyway, can't give up the fate. Gotta make this funky party delay. Let's rock it, everybody, we got all night. Together got the power to make things right. This winter, let's all come together. Heat up this body. Drop some in the weather. This winter, let's all come together. Heat up this body. Drop some in the true. Girl, please believe in my lucky star. dirty spider, half a big fat rat. Golden spikes all over his back. Money comes to you if you sign his contract. Once you sign, you locked in his trap. All Cupid MCs live like rats. You get a piece of bread each time you write a rap. Don't wanna work, hit you with his golden bat. Welcome into the evil world of spike the rat. Got a big bag of gold under his hat. Have a little bit if you sign his contract. Got what you need to live a life like that. Once you sign, no coming back. Party, screaming up, man, who needs more money? Got gold, gold for all your MCs. Can't get down once you climb his tree. Gotta work hard like a camel over me. Making stupid videos for TV. Knocks you out if you don't bring back a Grammy. One visit each month for your family. Got a big bag of gold under his hat. Have a little bit if you sign this contract. Got what you need to live a life like that. Once you sign, no coming back. Spider rap, MCs in the trap were making real rap. Music was so good and unlocked the trap. All the golden outfit became all fat. Spider rat tried to creep away. Got stuck in his net, sunburned his fame. His guns, videos, and all his stupid game. Now it's gone, never call back his name. Got a big bag of gold under his hat. Have a little bit if you sign his contract. Got what you need to live a life like that. Once you sign, no coming back. Des basses bien grasses, de la Talk Box. Voilà, c'est le menu concocté par Monsieur Patchwork pour ce nouvel album de The Real Fake MC qui s'appelle donc Future Funk Survivors. T'as apprécié ? Ouais, j'ai apprécié. C'est bien. C'est même si ça a une touche effectivement années 80, c'est quand même bien frais et festif en fait, comme toujours avec Real Fake MC. Et puis niveau prod, Patchwork, y'a rien à dire, quoi. Et puis il se permet un peu tout. C'est un électron libre, comme il s'appelle pour moi, le The Real Fake MC. Donc il avait commencé son morceau, donc il s'appelle, le premier s'appelait Paris Paris, donc où il rappe en français, puisqu'il est d'origine américaine. Ensuite il y avait Freezing, You Will See, qui était chanté. Alors on ne sait pas si c'était Patchwork qui chantait ou c'était The Real Fake MC. En tout cas, voilà, il y avait du chant. Et puis on a terminé par le morceau Spider Rat. À signaler que donc The Real Fake MC, c'est quelqu'un qu'on retrouve souvent au featuring dans le rap français. Là dernièrement, ils ont clippé un morceau de Yoshi, Yoshi da Original, qui est donc avec The Real Fake MC. Et puis il y a aussi le morceau qu'il avait sorti sur le dernier 45 tours de Jarwan. Donc voilà, il est un peu partout. C'est vraiment excellent. On va terminer avec une petite sélection hip hop 90s. Ben ouais, je me suis dit tiens, pourquoi pas se faire plaisir pour clôturer cette émission. Pas mal de classiques, pas mal de choses qu'on entend un peu moins souvent, mais voilà, du bon rap 90s comme on l'aime. Et bah très bien, donc vous retrouverez la playlist de ce petit mix sur le Mixcloud et sur le site de l'Antichambre, radio-antichambre.com. Et donc voilà, on vous laisse aller une petite dizaine de minutes, on termine l'émission comme ça. C'est parti, c'est et parfait. Bah à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, bonne semaine à tous. Restez sur les 105.9 de Radio Hellebore.

take this for example. Young brothers want rep, cause in the life they're living, you can't have step. It starts with the young ones doing crimes for fun. And if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car, you know I fly with. Get a dent, pull a screwdriver, and be all quick with the dope ride. Yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too. Even a Jeep or van, goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping. They can't do jack, that's why a young brother's open to do anything, anywhere, any place. Fuck while in another court case, it's the code of the streets. They might say that we're a menace to society, but at the same time I say, why is it me? Am I the target for destruction? What about the system and total corruption? I can't work at no fast food joint, I got some talent, so don't you get my point. I'll organize some brothers and get crazy loot, selling D-R-U-G-S's and clocking dollars true. Cause the fact though, yo, that suits me fine. I gotta have it so I can leave behind the mad poverty, never having, always needed. If a sucker steps up, then I leave him bleeding. I gotta get mine, I can't take no shorts. And while I'm selling, here's a flash report. Organized crime, they get theirs on the down low. Here's the ticket, wanna bet on a horse show? You got to be a pro, do what you know. When you're dealing with the code of the streets. Nine times out of ten I win. With the skills I be wielding, got the tenth one kneeling. Let me express my feelings. Never been one to play a big shot. It's just the styles I got that keep my mic hot. And fuck turning my back to the street scene. It gives me energy, so I'ma keep fiends coming just to get what I'm selling. Maybe criminal or felon dropping gems on your melon. So keep abreast to the gangsta conquest. Underground roughnecks, pounds of respect. I've never been afraid to let loose my speech. My brothers know I kick the code up the streets. Put in my hand.